na kumituna ka na lifelo isengo ezali to ezali te l'enfer se pète toi ici bas c'est bien ça que je suppose que tu sois riche ou pauvre attention à l'enfer na lifelo baka baka ta kosa la fe ma pète le studio peur le temps Moto le qui va casser, qui va proposer. Moto na katia boloko, azali lokola na lifelo. Keba na masomo, mawa mpona yo ezali te, kaka mpasi, kaka rampasi, ekosi la fate. Mabeto kosalaka, maswe kofutama. Tout se paye ici-bas, c'est ça que je suppose. Soyons corrects envers les autres. N'a pas mis ton arabe, n'a l'y fait la vie, c'est mon désalé. L'enfer s'appelle toi ici bas, c'est ça que je suppose. Que tu sois riche ou pauvre, attention à l'ifelo. N'alifelo baka bakata, consola en fait ma fête. Le studio peur le temps, qui bana moto, que le climat cassé, no quito consita. Moto na kati ya boloko, ezali se lokola lifelo. Keba na masumu, mawa mpona yo ezali te. Kaka rampasi, yango ekosilaka te. Mabe tokosalaka, maswe kofutama, mawa use, tout se veye isi bas.